d'ascenseur. On est bloqué au premier étage. J'aimerais bien voir plus loin, j'aimerais bien voir plus haut. Peut-être même jusqu'à l'Élysée pour reprendre nos vies. À tous ceux qui prennent nos esprits, à tous ces chiens qui nous vendent nos rêves. Dans ce petit ascenseur, on est bien trop nombreux. Il va falloir faire le vide. Le vide à la télé. Le vide à l'Élysée. Entre dans l'ascenseur de la soumission. Entre obsédé, entre obsession. Entre dans l'ascenseur de la domination. Au premier étage. Au second étage. Au dernier étage. Dans ce putain d'ascenseur, j'ai croisé celle qui m'a fait perdre mon identité. J'aimerais bien voir plus loin avec elle. J'aurais aimé voir plus haut. À celle qui a pris toutes mes envies, celle avec qui je voulais faire toutes mes conneries. À celle qui a pris toutes mes envies, celle avec qui je voulais faire toutes mes folies. Du premier étage, du second étage, du troisième étage, du quatrième étage.